العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله الذي أصبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، كنا قد فصلنا معكم في الخطب الماضية ضرورة الاتحاد أو وحدة الكلمة والتعاون على البر والتقوى حتى تسترد هذه الأمة عافيتها. واليوم نتكلم عن موضوع هام وخطير في إطار تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة. المفهوم الذي نريد أن نتدارسه هو مفهوم الفرقة الناجية، الفرقة الناجية، وهذا المفهوم تستعمله كثير من الفرق الشاردة لتفريق المسلمين وبث روح التنازع والتحاقب والتباغض والتشاحن بينهم. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous avions abordé l'obligation de l'union et de la solidarité et de l'entraide entre nous dans le bien et la piété. Dans la continuité de ce sujet, nous abordons aujourd'hui un concept qui a été galvaudé, déformé par les sectes, pas seulement aujourd'hui, mais à travers toute l'histoire de l'islam. Il s'agit du concept du groupe sauvé, qui a été utilisé à tort et à travers pour diviser la Ummah et créer la zizanie. On traite ces sujets-là, bien entendu, dans l'espoir qu'on comprenne mieux notre religion et qu'on récupère notre santé morale, bi'idnillah, que la Ummah récupère sa santé. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. أي واضحة. الله تبارك وتعالى nous dit dans le Coran: ne vous vantez pas vous-même, car Allah seul sait qui est vraiment pieux, qui le craint le mieux. Verset très clair. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été utilisé à tort et à travers concernant le firqa al-najiya. هناك حديث إخوة الإيمان ككثير من الأحاديث استعمل استعمالا بشعا. هو حديث الفرقة الناجية. هذا الحديث على فكرة لم يروى في الصحيحين، لا في البخاري ولا في مسلم، وتكلم العلماء في سنده ومتنه. حديث عن 73 فرقة، 72 في الجنة، 72 كلها في النار إلا واحدة. ما هو سند هذا الحديث وما هو متنه؟ يا حديث كما جي دي كي ا ايتي اوتيليزي ا سو سوجي لا ان بارتيكولير لو حديث دي 73 فاكسيون او 73 جروب توس سيرون en enfer, kulluha fi nar illa wahida. Tous seront en enfer sauf une. Ça fait peur. Eh bien, on va rapidement donner la synthèse de ce qu'on appelle sanad, la chaîne de transmission de ce hadith, qui, je le rappelle, n'a pas été rapporté ni dans Al-Bukhari ni dans Muslim, et aussi le matin de son contenu, qu'est-ce que les savants ont dit. Pourquoi les savants? Parce qu'on ne peut pas, encore une fois, je le répète, comprendre le texte scripturaire de nous-mêmes, selon nos patients, sans regard aux règles, et sans savoir déjà ni l'authenticité du texte, ni s'il y a d'autres textes qui diminuent la portée ou qui contextualisent ce hadith, ou s'il y a d'autres éléments par rapport à ce hadith. Eh bien, ce hadith des 73 factions, dans sa version que je vous ai citée, plusieurs muhadditines, c'est-à-dire spécialistes du hadith, ne l'ont pas authentifié. Parce que dans sa chaîne, il y a quelques transmetteurs qui ne sont pas dignes de confiance. C'est la première remarque. L'imam Shawkani synthétise et dit, et le plus faible, la plus faible des versions, c'est celle où il y a kulluha fi nari illa wahida, tous en enfer sauf une. C'est la plus faible des versions. Il ne convient pas de dire que le prophète Salama a dit ça. Ça, c'est l'imam Shawkani qui le dit. Première remarque. Deuxième remarque, la version de Abu Daoud, de l'Hakim, de Ibn Hibban et Tirmidhi, chez certains muhadditines, c'est la meilleure vis-à-vis de son authenticité, de l'authenticité du sanad, la chaîne. Et à ce moment-là, cette version, qui est rapportée par Tirmidhi, l'Hakim, Ibn Hibban, Ibn Majah, ne comporte pas cette dernière phrase, tous en enfer sauf une. والرواية التي رواها الترمذي وابن حبان والحاكم التي صححها بعض العلماء ليس فيها كلها في النار إلا واحدة وهذا قول الشوكاني كذلك أن هذه الزيادة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفة ولن أطيل الخلاصة أن هذا الحديث اختلف في صحته هذه أول ملاحظة ملاحظة ثانية إذا فرضنا أن الحديث هذا صحيح عند بعض المحدثين إذا فرضنا فيكون حديثا خبريا حديثا خبريا خبر لا يمكن أن نستخرج منه أحكاما شرعية لا سيما في العقيدة فالعقيدة لا تؤخذ إلا من المتواتر عند العلماء متواتر La première remarque, comme j'ai dit, c'est qu'il y a divergence sur l'authenticité de ce hadith. La deuxième remarque, mes chers frères, mes chères sœurs, a supposé même, selon les conclusions de certains muhadithines, que le hadith est authentique, eh bien, c'est un hadith khabari. Il donne des informations. On ne peut pas déduire des jugements, notamment par rapport à la aqida, qui est l'épine dorsale de notre religion. La aqida, le dogme, le credo. Les savants ont dit, on ne peut pas déduire les statuts juridiques du hadith qui n'est pas rigoureusement authentique, qui n'est pas mutawatir, c'est-à-dire rapporter des dignes de confiance sur les dignes de confiance sur les dignes de confiance. Très important. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce hadith, à supposer qu'il est vrai, qu'il est authentique, c'est que, oui, c'est un fait historique. La Oumma s'est divisée dans le passé, se divise maintenant et se divisera peut-être dans l'avenir aussi. Sur combien de groupes? Des fois, ça dépasse les 70. Des fois, dans l'histoire de l'islam, c'est au-dessous de 70. C'est une information. Et on le sait, à travers l'histoire, il y a eu des sectes. Il y a eu des sectes. La première secte qui a émergé en islam, c'est le Khawarij. Khawarij, dès le premier siècle. Sidna Ali les a combattus, on le sait. D'accord? Et puis il y a eu Al-Qadariya, Al-Jabriya, Al-Jahmiya, Al-Murji'a, Al-Mushabbiha, Al-Mujassima, etc., etc., etc. Et dans chaque époque et dans chaque espace, il y a malheureusement des sectes. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours des groupes de personnes ou des personnes qui ont mal compris leur religion et qui ne veulent pas faire référence aux savants qui sont, je le rappelle, comme le dit le prophète, les héritiers des prophètes. Donc ils veulent comprendre les textes scripturaires selon leur passion, ils s'égarent et égarent ceux qui les suivent. Ça existe de tout temps et dans tout lieu. Donc c'est un hadith khabar, c'est une information qu'on nous donne, que le prophète a reçue, qu'il nous donne. Oui, il y a ces divisions, oui, il y a des groupes qui sortent de la ligne droite, mais attention, ça ne nous donne pas le droit de juger nos frères et sœurs et de les catégoriser. On a parlé de la différence entre le jugement et le conseil. « An tahqira ikhwanak, ou tasubbahum, ou tusi ad-dhanna bihim, hadha amr muharram fi shari'a. Wa muqabiluhu an-nasihatu bil husna kama ra'ayta. Lati laha adabiyyatuha bi tabi'ati al-hal. La wajibuka ma'a ikhwanik an-nasiha bil husna. » Donc les personnes qui mettent en avant ce hadith pour exclure leurs frères et sœurs, ce sont des personnes dangereuses. Pourquoi ? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit la tuzku anfusakum, ne vous vantez pas vous-même comme vous venez de l'entendre. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous rappelle le comportement de Satan qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Satan ? Ana khayrun min, je suis meilleur que lui. Satan s'est enflé d'orgueil. Et il a été chassé ad vitam aeternam de la miséricorde d'Allah. فَتَرَدَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى مِنْ رَحْمَتِهِ هذا الشيطان هو الذي قال أنا خير منك أتريد أن تتبع الشيطان وتقول أنك أنت الفرقة الناجية وأخوك الفرقة الضالة أبدا من أنت حتى تحكم على الناس الله تبارك وتعالى يحكم بيننا وإذا كان هناك اختلافات تحل بالحسنى وبالحكمة ولا تحل بالسب والشتم. Et si on a des divergences, ou si même, quand bien même notre frère est dans une voie qui n'est pas la bonne, eh bien il faut être sage, il faut être dans la douceur pour pouvoir lui passer le message, pour pouvoir le sauver. Ça sert à quoi de l'écraser et de soutenir le diable contre ton frère? Non, il faut être un soutien de ton frère pour qu'il puisse sortir de sa situation, si sa situation est mauvaise ou égarée ou ce que vous voulez. Mais catégoriser les gens en les insultant, celui-là il est bid'a, celui-là il est ceci, celui-là il est hizbi, celui-là il est qobori, celui-là il est dal. Les salafs ne faisaient pas ça, et on va voir des exemples. Les salafs dans le vrai sens du terme, le terme historique, les pieux prédécesseurs, n'étaient jamais dans le dénigrement, n'étaient jamais dans l'insulte, n'étaient jamais dans la mise en garde contre les autres, le jeu de mise en garde. Écoutez bien ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous prévenir et qu'on nous soit prémunis de cet acte diabolique qui est « anakhirun mink », je suis meilleur que toi, ou je me vante, je suis la vérité, tu es l'erreur. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce que rapporte Al-Bukhari, muslim dans son authentique, « La yadkhulu al-jannata man fi qalbihi mitqal dharratin min kibr » ne rentre pas au paradis celui qui a dans son cœur une attente d'orgueil. L'orgueil est une maladie grave, un péché grave du cœur. On a vu les péchés du cœur, les maladies du cœur. Deuxième hadith, dans ce que rapporte Muslim, dans son authentique. Man qala halaka an-nas kana ahlakahum. Wa man qala khasira an-nas kana akhsarahum. Écoutez bien et méditez. Celui qui dit que les gens sont perdus, alors c'est lui le plus perdant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Sama dans l'authentique de Muslim. Celui qui dit les gens ont péri, eh bien c'est lui qui va être le plus péri de tout le monde. Qui es-tu pour juger ? Juge-toi toi-même, c'est mieux pour toi. Au jour du jugement, tu ne vas pas être jugé sur les actes des autres. Tu vas être jugé sur ce que toi tu as fait. Et bien sûr, le conseil est toujours bienvenu s'il est fait avec ses convenances. وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Et dans l'authentique de Muslim également, écoutez bien, insulter ton frère est une perversion. Le combattre est une mécréance. Wa la yadu billah. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكان صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة ويقول ما أعظمك ولكن حرمة المؤمن حرمة المؤمن. Très important. Comprendre qu'on ne peut pas dire n'importe quoi vis-à-vis de nos frères. Préservons nos langues pour qu'on puisse préserver nos cœurs de la haine et de la discorde qui aujourd'hui nous divise encore plus. Ça sert à quoi de se diviser encore alors qu'on est déjà bien divisé? Ce qu'il faut, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est gagner les cœurs avec le bon comportement, avec la belle parole, et éviter ces qualificatifs horribles que j'entends par-ci et par-là, et surtout sur les forums de certains frères et sœurs qui passent le plus clair de leur temps à catégoriser, à dénigrer celui-là, il est comme ci, celui-là, il est comme ça. Et pour terminer cette première partie, regardons comment les vrais salafs ont agi. Omar al-Khattab. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire qu'il est meilleur qu'Omar al-Khattab? Omar al-Khattab, il a été promis au paradis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma yantiqu anil hawa. Wahyun yuha. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors qu'il est satisfait de Omar. Et Omar, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il a dit je suis meilleur que les autres? Je suis au paradis et vous, vous êtes rien? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si au jour du jugement, on appelle les gens, on leur dit tout le monde va au paradis sauf un. Sauf un. Je vais supposer que ça va être moi. Vous imaginez? Sayyiduna Omar al-Khattab radiyallahu anhu wa arda al-Faruq wa ma'a dhalik yatawada'u lillah imtithalan li amri rasulillah wa ma tawada'a 'abdu lillah illa rafa'ah. Si tu es dans l'humilité, Allah t'élève. Si tu es dans l'orgueil, ça veut dire que tu suis Satan, tu suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu connais ta finalité, khatimatuk? On le sait. الأعمال بالخواتم والمتكبرون والعياذ بالله تكون خاتمتهم سيئة والعياذ بالله. Et les orgueilleux, malheureusement, les vaniteux, eh bien, qu'ils craignent la mauvaise fin. Un deuxième exemple et dernier parmi nos salaf, nos pieux prédécesseurs, l'imam Ahmed ibn Hanbal, أعمدة الحديث النبوي صاحب المسند. ومن هو إمام أحمد من منا نحن أعظم الأئمة قدوة. Le voici sur son lit de mort. ها هو يحتضر يموت رضي الله عنه أرضاه. وجاءه ابنه يلقنه الشهادتان. والإمام أحمد يقول لا بعد. يا أبي قل الشهادتان. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والإمام أحمد في غيبوبة يقول لا بعد لا بعد. فخاف الابن على أبيه أن تكون خاتمته سيئة أن لا يختم له بالشهادتان. فاستفاق الإمام أحمد من غيبوبته وقال إنه الشيطان كان يقول لي قد نجوت مني يا أحمد وأقول له لا بعد إني لم أمت حتى أنجو منك. سأنجو منك عندما أفارق تفارق هذه الروح الجسد. فشهد الشهادتان ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هم السلف الصالح. هكذا كانوا مع الله ومع الناس في تواضع. لم يكن أحدهم يدعي شيئا ولم يكن أحدهم يقذف الآخرين ويسبهم ويجعلهم هكذا وهكذا ويزكي نفسه. Et voici l'imam Ahmed se disait sur son lit de mort, son fils vient pour essayer de lui de faire en sorte que les derniers mots de son père soient Ashhadu la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, les deux témoignages d'unicité d'Allah et que Sayyiduna Muhammad sallam est son dernier messager. Et bien l'imam Ahmed, il disait, il était dans une espèce d'absence, il disait pas encore, pas encore, pas encore. Et le fils, il s'inquiétait. Il disait, voilà l'imam Ahmed qui dit, qui me dit non, alors que je suis en train de l'inciter à faire shahadatan. Il me dit non, non, pas encore, non, pas encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a eu peur, il était inquiet pour son père. Et puis son père se réveille d'un coup. Il lui dit, oh mon fils, je ne disais pas à toi, non. Il y a Satan qui est venu me voir et il m'a dit, maintenant Ahmed, tu es sauvé de moi. Tu as été sauvé. Et moi, je ne lui disais pas encore, tant que mon âme reste dans mon corps, tant que mon esprit reste dans le corps, je ne peux pas me considérer comme sauvé, ou comme le groupe sauvé, ou comme je ne sais quoi d'autre comme qualificatif. Je ne peux pas me vanter tant que je ne suis pas passé de l'autre côté. Parce qu'il savait que les actes ne valaient que par la fin, al-khatima. اللهم أحسن خواتيمنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Et voilà l'imam Ahmed qui finit donc par shahadatan et qui meurt sur la shahadatan. Et voilà l'imam Ahmed qui nous donne l'exemple de l'humilité, de l'abnégation. Qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse que nous soyons dans cette humilité et dans cette abnégation. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يولد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي ما بعد إخوة الإيمان كما قلت إن التواضع من شيم الكرام وهذا اللسان لا بد من حفظه ولا بد كذلك من حفظ الجنان من أن يخالطه ما سوى الرحمن حتى نلقى الله تبارك وتعالى ونحن بين الخوف والرجاء بين الخوف والرجاء فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Nous devons, mes chers frères, mes chers sœurs, continuer dans cette voie rectiligne droite, محجة بيضاء, entre la crainte et l'espoir. Et nous ne devons jamais sous-estimer, mépriser notre prochain. Car on peut être à la place de celui qui aujourd'hui est dans une épreuve. Il faut toujours demander à Allah tabaraka wa ta'ala la bonne fin. Parce que personne ne peut être à l'abri du stratagème d'Allah. Personne. Et pour donner l'exemple, comme il est de coutume ici dans ses prêches, les exemples pour nous, pour qu'on puisse, inshallah, s'en inspirer. C'est une petite histoire qui est arrivée ici en France. Très brève. Il y avait la prière du Jumu'a. On était assis sur le minbar, attendre l'adhan. Et une jeune fille rentre. Comme ici, là, elle rentre, en plein public, chez les hommes, avec une mini-jupe. Tout le monde crie, « Ah, Shaitan est rentré dans la mosquée, c'est quoi ça ?» Les gens commencent à crier, beaucoup de bruit. C'est quoi ça? On a dit aux gens, « Calmez-vous un peu, on va écouter cette demoiselle, on ne rentre pas dans une mosquée comme ça. Si on rentre dans une mosquée, c'est qu'il y a une affaire. Allah n'appelle pas dans sa maison, n'importe qui. C'est la maison d'Allah. » Et donc, après avoir réussi à les calmer un peu, cette demoiselle raconte très rapidement. Elle dit effectivement qu'elle était sur une autre religion, elle et son papa. Et qu'ils ont cherché dans toutes les religions parce qu'ils étaient dans la quête du sens. Ils avaient la soif de trouver la vérité. Ils ont cherché dans toutes les religions, sauf dans l'islam. Subhanallah. Il disait, oui, mais bon, on n'a pas cherché dans l'islam parce que pour nous, c'était une religion de barbares, de sauvages, de malades mentaux. Bon, très bien. C'est un peu l'image qu'on dégage, hein, il ne faut pas... Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon père, il a eu un cancer en phase terminale, il a beaucoup souffert, il m'aimait beaucoup, beaucoup, j'ai tout fait pour le sauver, il est mort. Il est mort un jeudi. Jeudi soir, il lui vient dans les rêves. J'ai fait le manam, abouha. قال هيا بنيتي إني أحبك وقد أذن لي أن أقول لك أن ها هنا لا يقبل إلا الإسلام. عندهم باسبور. وهذا الذي ستفعلي له هو أنك ستذهبين غدا إلى أول مسجد وتعلنين الشهادتان. إيه لامبراس الإسلام devant nous, devant les gens. Vous voyez le jugement ? On ne peut pas savoir. Donc il faut toujours être dans le bon jugement. Et le prêche du vendredi de cet épisode, c'était le bon jugement. Qui es-tu pour juger ? Tu ne peux pas savoir. Tout ce qu'on peut se dire et demander à Allah, c'est la bonne fin. Et tout ce qu'on doit faire, c'est de représenter cette religion sous son meilleur jour. Par le bon comportement, par le bel agir avec tout le monde. Parce que tu ne peux pas savoir, quelqu'un te voit agir d'une façon bonne, d'une façon belle, et tu seras la cause pour lui du salut. Quelqu'un te voit agir mal, tu représentes Sayyidina Muhammad, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Quelqu'un te voit agir mal, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il est dégoûté de ta religion. Parce que tu la représentes. Donc soyons des vecteurs témoins de cette belle religion. Ne salissons pas cette religion par le mauvais comportement. Ne salissons pas cette religion par la mauvaise compréhension. Ne salissons pas cette religion par la colère et la précipitation. Ne salissons pas cette religion par le soupçon et le mauvais jugement. أقول ما تسمعون وجعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجمع قلوبنا على محبتك ومحبة رسولك صلى الله عليه وسلم ومحبة الخير للناس. وفي هذا الباب باب الخير أنوه بجهودكم المباركة لأننا في الجمعة الماضية قرنا الفعل بالعمل وجمعتم والله تبارك وتعالى سيشكره لكم ويجازيكم به. جمعتم من الأغطية والأفرشة والطعام ما قد وصل إلى الفقراء والمساكين واليتامى وهم يدعون معكم. والله أثر في كثيرا حينما سمعت أن الإخوة والأخوات تجندوا وجمعوا خير ما عندهم للفقراء والمساكين والناس بكت من شدة التأثر بهذا الخير. وهذا يثبت أنه لا يزال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. فجزاكم الله خيرا كثيرا. J'étais très ému et des frères, des orphelins ont pleuré lorsqu'ils ont reçu vos collectes. Alhamdulillah, ça prouve que dans notre Ummah, il y a beaucoup de bien. Comme a dit le prophète Sama, il y a le bien en moi et en ma Ummah jusqu'au jour dernier. Je tiens à vous remercier du fond du cœur et qu'Allah tabaraka wa ta'ala amplifie et augmente, inshallah, vos subsistances. اللهم ارزق كل من انفق في هذا الباب وزيده يا ارحم الراحمين من فضلك يا ارحم الراحمين غنيه غنى الظاهر والباطن يا ارحم الراحمين. اللهم يا ارحم الراحمين كريم الكرماء فانك انت الكريم. Comme Allah تبارك وتعالى est le généreux et comme vous vous êtes montré généreux, et bien qu'Allah تبارك وتعالى se montre généreux également envers vous, et c'est une certitude. اللهم يا أرحم الراحمين آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ثبتنا عند السؤال حسن خواتمنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وحسن الظن بعبادك يا أرحم الراحمين. ظنوا la bonne opinion de toi et la bonne opinion dans toutes les créatures d'Allah تبارك وتعالى. que Allah تبارك وتعالى donne à ce pays la paix et la prospérité et le bien-vivre ensemble, ainsi que tous les pays. Qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse régner la paix et la sérénité dans ce monde. Allahumma ya arham ar-rahimin, arzuqna halalan. ارزقنا حلالا غننا لحلالك عن حرامك اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منها وتمنع من تشاء ارحمنا رحمة تغنينا برحمة سواك ارحمنا رحمة تغنينا برحمة سواك الطف بنا فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها استرنا بسترك الجميل فوق الأرض وتحت الأرض ومن الأرض عليك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ولاة أمورنا اصلحهم واصلح على يدهم وارزقهم بطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين اللهم يا أرحم الراحمين اختم لنا بالخاتمة التي ختمت بها لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على مؤمننا بالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل عليه وعلى آله وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله